Le point de départ, en fait, c'est que j'entendais mes parents dire qu'ils auraient voté Coluche en 81, et puis ensuite des amis de mes parents dire pareil, et pour moi c'était quand même une grande question. Qu'est-ce qui fait que des personnes auraient été prêtes à déléguer leur voix à Coluche, tout en sachant qu'il était humoriste, comédien, et que de toute façon, en tout cas au départ, il s'agissait d'une énorme blague. Donc pour quelle raison est-ce que ils étaient prêts à faire confiance en Coluche et non pas en celles et ceux qui se présentaient à l'époque et qui étaient présentés comme des candidats sérieux. Coluche que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, je le dis au passage. Bah, comme quoi il est éternel, hein, Coluche. La définition même de quelqu'un d'éternel et d'historique, c'est qu'on s'intéresse une fois, quand il est mort, quand il est vivant et quand il est mort. Bon. Je rappelle que lors de la première diffusion de cette émission, Romain Goupil, qui faisait partie de la bande, était notre invité. On en reparlera si vous voulez. Pourquoi ce sous-titre histoire de la candidature d'un con? C'est quoi un con? Si je peux me permettre de poser la question comme ça. Alors le con, c'est un terme qui est employé par Coluche, et ce qui, en fait, dans toute une stratégie de revalorisation du langage et dans une stratégie de révolution symbolique, il part jamais il emploie le terme de con, d'imbécile, en opposition avec toutes celles et ceux qui sont sérieux, qui sont établis, qui sont au pouvoir. Donc c'est vraiment pour dessiner un eux et un nous. Celles et ceux qui vivons au quotidien, qui ne parlent pas forcément le langage des dominants. Celles et ceux qu'on prend pour des cons également. Sauf que dans la stratégie de retournement, il dit, écoutez, puisque vous voulez nous prendre pour des cons, on veut bien être des cons, sauf que nous, on va définir la manière dont on est con. Et durant toute sa carrière, c'est ce qu'il va s'attacher à faire. Dans les deux premières versions de Mes Adieux Musicaux, en dessinant toute une galerie de personnages qui sont cons, c'est les personnages qui racontent mal les blagues, c'est les personnages qui sont au bistrot, les personnages racistes, les personnages comme dans Misère par exemple, qui se croient très engagés et qui finalement rentrent complètement dans le système de la vente de disques, parce que la suite de Misère, c'est Stéphane Maréchal, là, où ce même chanteur en fait passe de l'autre côté et va du côté de la variété. Donc il y a tous ces cons-là. Et en se plaçant d'ailleurs du côté des cons, puisque durant tous ces sketchs, il va incarner que des dominés, Coluche devient l'un d'entre eux, finalement. Et c'est pour ça aussi une des raisons qui explique le fait qu'il arrive à prendre la parole et à devenir un porte-parole en 80. Et d'ailleurs, vous écrivez page 8, Coluche n'est pas un bouffon, il est un con, une andouille et un imbécile, trois termes populaires qu'il emploie pour se désigner et ou pour désigner les personnages qu'il incarne. Quand je serai grand, je vais être con, 1975, je suis l'andouille qui fait l'imbécile, c'est aussi de 1975, donc c'est pas un bouffon. Non. Parce qu'un bouffon, ça a une fonction bien précise. Hein. Bien sûr, le bouffon, il entre dans la logique du retournement, qui fait que s'il vient ébranler un petit peu l'ordre établi, de toute façon, son espace est complètement cadré et finalement, il sert le système dans lequel il est employé. Et cette perspective du bouffon, elle a primé en fait pour envisager cette candidature, étant donné qu'elle n'a pas abouti. Sa candidature n'a jamais été envisagée de la même manière qu'on aurait traité n'importe quel autre candidat. Et c'est aussi ce qui m'intéressait, comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand même, durant quelques semaines, beaucoup de lignes ont bougé grâce à Coluche. Il y a eu autant d'adhésions que de rejets. Tout à fait. Ce qui était le cas, en fait, tout au long de sa carrière. Alors, on s'en rend moins compte parce que, quand on le regarde aujourd'hui, il y a eu les Restos du Cœur en 85, il y a cette fin tragique. Il y a une espèce de consensus maintenant au niveau de Coluche. Mais non. Quand on regarde ses spectacles, quand on s'en renseigne auprès d'Europe 1, par exemple, quand il était à la radio tous les jours, il y avait beaucoup d'auditeurs qui se plaignaient parce qu'il était grossier, parce qu'il était contre les formes d'autorité, contre les flics, contre le pouvoir, contre les politiques. Et bien évidemment, pour celles et ceux qui ont intérêt à défendre l'ordre en place, Coluche, c'était pas possible. Et on dit qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. On l'a vu avec la mort de Coluche. Une mort insupportable. C'était en juin 86. C'était absolument révoltant. D'autant plus que Balavoine, notre conscience artistique, était mort en janvier 86 de la même année. Et c'est vrai que lorsqu'on voyait Coluche dans toutes les émissions du temps de son vivant, parfois il se banalisait, parfois on le voyait trop. Et c'est quand il est mort qu'on s'est mis à aussi le regretter en se disant « non, finalement, on ne le voyait pas trop, enfin c'est comme ça ». Est-ce que Coluche est un populiste dans l'acception du terme d'aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que ce terme-là, il est anachronique, en fait, par rapport à sa campagne. Et puis, il n'en est pas question de ce terme, parce que le traité de populiste, à l'époque, c'était reconnaître qu'il appelait un peuple, et donc lui reconnaître une existence politique. Donc, ce terme-là n'a pas été employé pour le récuser politiquement. C'est le terme de poujadiste qui sera utilisé, donc en essayant de le renvoyer du côté des réactionnaires, de la droite, alors que les idées qu'il défendait n'étaient pas du tout situées à droite, mais c'était justement pour faire ce raccourci en disant, mais regardez, Coluche, et puis toutes celles et ceux qui répondent à son appel, finalement, ce sont que des poujadistes, des égoïstes. Donc, dans le sens de populiste, au sens d'un rassemblement populaire, au sens de quelqu'un qui cherche à regrouper et qui appelle des oubliés de la politique. D'ailleurs, là encore, dans le reportage que vous effectuez juste avant, il en est bien question à plusieurs reprises. Lui, il veut permettre aux abstentionnistes de se compter. Il veut permettre à tous les groupes dominés qui n'existe pas pour les politiques d'avoir une existence également. Et en ce sens, il dessine un peuple qui répond à son appel à la fin de l'année 80. En tout cas, il fait école, puisque en Italie, bien des années plus tard, émerge Giuseppe Grillo, dit Beppe Grillo, chef d'un mouvement politique de gauche radical qui s'appelle 5 étoiles. Et puis l'élection présidentielle en Ukraine de l'ex-star du petit écran, humoriste Volodymyr Zelensky. Oui, Coluche a ouvert une voie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien que, alors, les époques soient très différentes, qu'on est dans un autre, comme je le disais en conclusion du récit, dans une société peut-être pas tout à fait post-politique, mais qui n'est pas la société politique de l'époque de Coluche. Il a quand même ouvert une voie, non? Alors, ouvert, je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de cas. Il y en a aussi en Islande, en Amérique du Sud également, des humoristes qui arrivent au pouvoir. Et ces candidatures et ces élus, en fait, marquent, puisqu'ils sont, ils ne sont jamais attendus, étant donné que la raison est du côté des politiques, du côté des sérieux. Le fait d'employer le comique, même pris comme un sérieux alternatif, puisque quand on regarde Coluche, c'est explicite. Il y a des idées profondes qui sont, enfin, il y a des idées puissantes qui sont énoncé, quand il dit qu'il recherche l'égalité parfaite, par exemple, il faut remettre de la fête dans la politique, lorsqu'il faudrait abandonner tout un tas de pratiques et réinterroger la représentativité et la coupure qui existe entre la base, donc entre le « nous » et « eux », les élites, celles et ceux qui ont le pouvoir, ce sont des idées politiques très fortes. Néanmoins, ces humoristes ne sont jamais attendus, et donc à ce titre, on leur dénie la prétention à dire des vérités sur le monde social, prétention que peuvent avoir les journalistes, les politiques, les universitaires et ces groupes qui font les idées, les opinions et qui font avancer aussi la recherche. Alors, la trace de Coluche en France, elle passe, par exemple, par cet autre humoriste, Jean-François Galotte, en 2014, notamment avec cette scène captée par notre reporter Anaël Verzo. C'était Place de la République à Paris. C'était lors de la première diffusion de cette histoire de Coluche à la présidentielle. Et Jean-François Galotte, lui aussi, s'amuse à présenter un programme. Là, je suis en train de chercher. Ils installent des jeux maintenant au centre de la place de la République. C'est très familial. Ouais, mais j'aime pas les gosses alors. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez que vous avez peut-être devant vous le futur président de la République française. Je suis impressionné, vraiment. Ah, l'écharpe qui tombe. Il y a trois jeunes filles. Ah, on vous attendait. Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Sortie scolaire. Mais vous venez d'où? Vous connaissez le symbole de la France, c'est une chanson, elle s'appelle comment? La Marseillaise. La Marseillaise. Admettons, mais aujourd'hui, là, vous savez que la France est en crise et une situation terrible. Oui, et si on remplaçait cette chanson, parce que c'est un peu, la Marseillaise, c'est un peu lourd, on la met aux oubliettes et à la place, on fait le lundi au soleil. Demain, je vais chez Pôle emploi chercher et du travail. Vous savez que la retraite, vous la verrez certainement, mais si on vous la mettait à 100 ans, pour les plus... Calmer. Dans le programme de monsieur Jean-François Galotte, ouais, qui va programme. Se présenter à l'élection présidentielle. Je me présente à l'élection présidentielle, c'est pour ça. Pour monsieur. Voilà. Alors, la suite du programme, Jean-François Galotte. Ouais, pour ne plus avoir de problème avec l'immigration, c'est simple, vous enlevez la nationalité française à tous les Français. Moi, je suis d'accord. Bah, bien sûr, comme ça, on est tous des immigrés. Un autre truc, là, parce que vous habitez la banlieue comme moi. Par exemple, la cité, les 4000, les Tarterets, les Saules, les Tilleuls. prendrait le nom de Château de Chambord, Amboise, Chenonceau et Cheverny. Chaque cité a son histoire, faut pas la changer, faut pas changer son nom. Hein. Alors j'ai une grande nouvelle pour vous. Vous savez, les grandes causes nationales, vous les connaissez. Hein. C'est que vous ne fassiez plus que l'amour qu'une seule fois par an. Ils sont pas d'accord. Mais c'est pour lutter contre le sida, pour lutter contre toutes les maladies. Pour vous motiver sur cette journée-là, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y en a qui le fassent, ça s'appellerait la journée Strauss-Kahn. Alors, pour finir, là, vous allez me chanter l'hymne de la France. 1, 2, 3. Le lundi au soleil. Le lundi, on va au Pôle emploi. Yo le rap, ma France une Ferrari qui dérape. Je viens de la cité, j'ai mis ma casquette sur le côté. Yo, nique la société, wesh, le ghetto. Bon bah d'accord, je chante l'hymne, je laisse tomber Clo-Clo. Ouais, c'est bien, ça. Alors, est-ce que vous votez pour lui ou pas? Vous allez en baver avec moi. On a confiance, monsieur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie Duret-Pujol? Une trace de Coluche. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas le même enjeu, c'est pas une vraie candidature, moins connue que Coluche, donc moins de poids, mais on sent quand même une démarche assez voisine, disons cousine. Oui, alors je connais pas précisément tout le processus, on va dire, qui l'amène à Jean-François Galop. Le faire. Ce qui est frappant chez Coluche, c'est qu'en fait, tout au long de sa carrière, il va accumuler du capital artistique qu'il va transformer en capital politique. Et c'est donc par ses spectacles, par le fait que il est perçu comme quelqu'un qui dit des vérités à l'appui de paradoxes comiques. Par exemple, quand il dit les gardiens de la paix, plutôt que de nous la donner, il ferait mieux de nous la foutre. Ou alors, comment ça se fait que c'est à eux qu'on a confié la paix ou qu'on confie des armes. Donc en fait, il pose des questions sur le fonctionnement de toutes les formes d'autorité, même sur les politiques. Enfin, on pourrait prendre plusieurs exemples. Ça, c'est en 80, lorsqu'il s'adresse aux politiques qui sont ses adversaires, finalement, lorsqu'il rentre en campagne. Par le biais d'allusions, en fait, il arrive à déconstruire toute la politique qui est mise en place à l'époque. Et donc, les publics et puis celles et ceux qui l'écoutent le perçoivent de cette manière. C'est quelqu'un qui dit des vérités et qui n'a pas peur aussi de dire des vérités qui ne sont pas présentées dans les médias, qui ne sont pas portées par les politiques. C'est donc une autre voix qui s'affirme. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, Coluche sociologue, et je vous cite, hein, la vision du monde social et les cadres de pensée de Coluche s'organisent selon une structure pyramidale, ce qu'il énonce à plusieurs reprises lorsqu'il est candidat à la présidence de la République. D'ailleurs, on l'a entendu dans le récit à travers une archive, c'est le côté mec d'en haut tout seul qui décide pour les millions en bas. Ça, c'est la structure finalement assez verticale aussi de notre système politique. Vous dites, cette vision du monde social est sensible dans les sketchs dans lesquels il propose des points de vue ciblés sur les groupes dominés. Ça, je pense que c'est clé, ça. Groupe dominé. Deux principaux groupes se dessinent, les dominés contestataires, représentés dans le cadre familial et par l'intermédiaire d'un groupe. Ce qui nous renvoie à son sketch Le Bouson Noir, hein, et les dominés garants de l'ordre, sinon on se renvoie ces sketchs sur le flic. Oui, donc, le petit commerçant. Coluche sociologue. Oui, absolument. Sociologue dans cette idée de quelqu'un qui opère un dévoilement et qui porte un regard critique sur le monde social qui l'entoure. Alors ça, on s'en rend compte en fait dans la troisième version de Mes Adieux au Musical, donc la version de 77, puisqu'en fait dans les deux premières versions, en 75, et en 74 et en 75, il dessine donc tous ces différents portraits de Français. Et la rhétorique change. Jusque-là, il était vraiment dans l'incarnation pour montrer des personnages qui auraient pu être vrais, qu'on aurait pu croiser au bistrot ou ailleurs. Et en 77, il rentre en scène et là, il est Coluche. Et le spectacle, la grande question sur les trois premiers sketchs, c'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens ils sont devenus cons? Donc à partir de là, il parle certes de groupe de cons, donc les militaires, les sportifs, etc. Mais il se demande comment cette connerie a pu être constituée et ensuite arrive le sketch sur les médias. Et alors, moi je repars au tout début, lorsque les Français découvrent Coluche, soirée électorale présidentielle 1974, et on le voit débarquer, il n'est pas spécialement connu, il n'est même pas connu du tout, sauf des gens qui vont au café-théâtre, au Café de la Gare à Paris. Et avec son sketch, Le Pont de l'Alma, c'est l'histoire d'un mec, si vous lisez le texte, ça tient en cinq lignes, il n'y a rien d'autre. Exactement. Tout ce qu'il y a, c'est un incroyable talent de comédien, d'interprétation, de mimique, de geste, de rupture dans ta façon de parler. Oui. D'abord, c'est un grand comédien, Coluche. Absolument. Est-ce que c'est pas d'abord et avant tout un énorme comédien? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, mais complètement. Bon. Complètement. Et c'est vrai que donc il existe deux enregistrements de spectacles dans leur intégralité. Des enregistrements qui ne sont pas pour le disque, hein, où là on a une piste après l'autre. Et dès que Coluche entre en scène, la salle est en liesse. Une pratique dont on est coutumier quand on va au concert ou maintenant aujourd'hui dans les stand-up, mais à l'époque au théâtre, c'est pas cette pratique-là qui domine. Et donc il peut faire absolument n'importe quoi et il est suivi par des salves d'applaudissements, par des rires. Oui, c'est un immense talent comique avec un très grand sens du rythme. Quelqu'un qui a appris en autodidacte et qui a appris en fait au contact, au départ en faisant la manche sur les terrasses en chantant, puis ensuite au Café de la Gare, puis au Vrai Chic Parisien, et il a jamais eu de metteur en scène, il a jamais eu de directeur d'acteur, sauf que il écoutait les conseils de celles et ceux dont il estimait la vie, voilà, mais c'est tout. Et ensuite, c'est vraiment l'observation du monde qui lui permettait d'intégrer ce rythme. Bon, puis il est musicien, donc ça aide dans le comique quand on fait de la musique. Bien sûr, notamment dans le sens du rythme. On va jouer un petit jeu comme on le ferait, enfin, d'un repas. D'amis. Le schmilblick? Non, alors. Non, attendez, je ne vais pas poser la question encore. Pas répondre à une question que je ne vais pas poser. Alors j'y vais. Quelle est votre citation préférée de Coluche? Il y en a tellement. Hein. Ah oui, c'est oui. Terrible, oui. Hein. Il y en a vraiment. Je vous aide. Moi, je vais dire la mienne, tiens. Dans le sketch Le Clochard, où il parle de son frère, il dit il lit des livres dont je ne connais même pas le titre. Et ce fameux, il est ingénieur à Grenoble. Ça, c'est quand même grandiose. Hein. Ça, c'est formidable. Vous en avez une comme ça qui a alors, peur? Oui, j'en ai plusieurs. Et en fait, c'est pas forcément dans les sketchs, c'est toutes ces répliques aux journalistes sur les plateaux de télévision, puisque Coluche est un maître des médias. Et la manière dont il se saisit des questions et comment il les retourne, moi, ça m'a toujours fasciné. Dans les extraits que vous avez montrés, par exemple, il y en avait plusieurs. Quand il est sur le plateau d'Antenne de Midi, là, c'est... On peut pas la voir sur un plateau Coluche. Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé voir un débat avec les candidats légitimes en 80, puisque ça aurait été... On fait un peu d'uchronie, c'est difficile l'uchronie. S'il voyait le monde d'aujourd'hui Coluche, je pense aux Gilets jaunes, par exemple. Comment on peut imaginer qu'il aurait agi vis-à-vis des Gilets jaunes? Comment il en aurait parlé dans cette dimension du peuple, hein, concernant les Gilets jaunes? Alors, moi, je peux pas répondre à cette question. On peut pas répondre à une chronique, mais on s'amuse. On peut pas y répondre tout simplement parce que on a différentes trajectoires de contestataires de 68 et qui étaient encore contestataires en 80 qui ont très largement changé de cap. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que Coluche est reconnu comme une figure. Donc, il est accepté par les Gilets jaunes, alors que les Gilets jaunes rejettent les formes d'autorité du type syndicat, homme politique, mais Coluche non. Toujours pareil, c'est parce que Coluche est l'un des leurs, dessine le eux et le nous et est perçu toujours comme quelqu'un qui dit des vérités. Donc, certaines de ces citations d'ailleurs sont complètement décontextualisées et servent les différentes revendications des Gilets jaunes. Je vais faire une confidence. J'étais lycéen quand Coluche était au sommet. Il a inventé un langage. Nous, les lycéens, on dit toujours la crise. C'était notre mot comme peuvent avoir les ados de répéter un mot parce qu'il est à la mode. Dans l'engagement civique de Coluche, son grand chef-d'œuvre, c'est les Restos du cœur. On est d'accord? Oui, alors ça intervient plus tard, mais plus tard, mais c'est quand même. Mais c'est surtout que ça ait duré. C'est ça qui est très. Et en même temps, c'est terrible que ça dure. On aimerait que ça dure exactement. Pas. Exactement. Mais n'empêche que ça dure. Oui. Donc là, cet engagement-là, il l'a parfaitement assumé. Il en était fier. Il y avait pas de douleur, il y avait pas de regret, presque pas de remords, contrairement à son engagement dans la présidentielle. C'est quelqu'un de très concret. Donc, à partir du moment où il est nécessaire que chacune et chacun ait à manger, donc ils font les restos du cœur et surtout ils se démènent pour que ces restos puissent exister. Il avait en projet de faire un petit peu la même chose avec le logement dans ses relations avec l'abbé Pierre et puis il est parti trop tôt. Oh que oui. Coluche, président, histoire de la candidature d'un con, signé Marie Duret-Pujol. Merci infiniment. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, la candidature de Coluche à la présidentielle de 81, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr et merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.